Après que la maréchale fut partie, dans la voiture de Sizi, Frédéric demanda la note. Elle était longue. Il passa la journée du lendemain à ruminer sa colère et son humiliation. Il se reprochait de n'avoir pas souffleté Sizi. Quant à la maréchale, il se jura de ne plus la revoir. D'autres aussi belles ne manquaient pas. Et puisqu'il fallait de l'argent pour posséder ces femmes-là, il jouerait à la bourse le prix de sa ferme. Il serait riche. Il écraserait son luxe, la maréchale et tout le monde. Le soir venu, il s'étonna de n'avoir pas songé à Mme Arnoux. Tant mieux. À quoi bon?